Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. Donc accueillons Simon Fitzbay pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is dead. Tu fais aller les mains, tu mets les mains dans les airs comme si tu t'en foutais. Ben, je fais une danse yé-yé années 50. T'sais. Tu l'as pas. Là. Les mains dans les airs comme si je m'en foutais. End in the air, like you just don't care. Oh, Gatineau le disait d'une autre façon, mais on dira pas comme Gatineau le dit. Gatineau, ça existe plus, anyway. Comme si tu t'en... Gatineau, ça existe plus. Non, c'est rendu un nouveau nom, genre, c'est un nouveau groupe. Ouais. Non, ça existe encore. Ça existe encore, OK. Ils utilisent un autre nom présentement pour roder leur nouvelle pièce, okay. Qui est Camouflard. Ah. Pour avoir l'air inaperçu, genre, passe inaperçu, incognito, bien dans ma peau, etc. Mais ça marche pas parce qu'ils ont passé à Musique Plus puis ils disaient que c'était la nouvelle incarnation de Gatineau. Peut-être que même Musique Plus sont pas au courant des faits. Non, mais ils ont peut-être décidé de garder aussi le nom Camouflard. Ouais, ça se peut. Ils sont peut-être anti-Outaouais. Peut-être bien. J'avais pas remarqué ton pad, Kiwan, mais ça s'en vient bien. Hein? Mais c'est parce que ça dépend de quel côté. C'est parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, t'es assis à ma gauche. Ben oui. Mais j'ai seulement un pad à gauche. C'est pour ça, regarde. Oh! Aïe, aïe. Hey. Comme deux volets. T'es comme commandité par Apple. T'as un iPad. D'ailleurs, les blagues n'arrêtent pas de fuser de partout. Sur les tampons, ouais. Ben oui. Ben oui. Ben ça existait déjà même avant. Il y avait des gens qui avaient fait des blagues de ça. Parlant des high shows de Apple. Ouais, ben c'est un petit peu à outrance ce jeu de mots-là, par exemple. Hein? C'est comme tout le monde le fait maintenant, donc on peut pader à outrance. Ouais, mais en même temps, c'est niaiseux comme nom, le iPad. Ben oui, je sais. Tu sais, il aurait pu se forcer. Là. En tout cas, ça coûte moins cher, je veux changer une lettre. C'est ça. Mais moi, je trouve que c'est, ça va trop porter à confusion pour les gens qui ont un accent peut-être de genre Chicago, je sais pas trop quoi. C'est que iPod puis un iPod. Ouais, comme iPod. Le monde genre qui disent pink à la place de dire pink. C'est ça. Ouais. Bon, fait que tu vois, les accents, ou en Inde, mettons. En tout cas, on en parlera dans une chronique CNX à un moment donné. Ben, certainement. Mais pour l'instant, on parle de mythe du rock'n'roll avec l'amour toxique de Sid et Nancy. Oui, ben, en fait, c'est que je commence un début de mois. Donc, on est, ben, en fait, on commence tous un début de mois, le 3 février. Et je me suis dit, pourquoi pas justement faire un mois spécial où on va juste parler de mort. Au lieu de parler d'amour. Ouais, tu vois, c'est des prononciations new-yorkaises encore. Amour, amour, comme confus. Là. Effectivement, c'est ça. Et donc, toutes les histoires qu'on va voir ce mois-ci, ça va être des histoires reliées à la mort d'un artiste. Donc, ça va être des dossiers quand même épais, là, parce qu'habituellement, lorsqu'on parle de mort, il y a tout le temps des mystères, des mythes, des légendes attachées à ça. Et je me suis dit qu'on allait commencer aujourd'hui par un couple très, très célèbre, mais pas célèbre pour les bonnes raisons, en fait. Donc, il existe des couples qui vivent des amours si puissants et controversés qui marquent l'histoire d'une façon assez surprenante, mais surtout très intéressante. Il y a eu entre autres Alexandre et Cléopâtre, John et Yoko, Gainsbourg et Birkin, Roméo et Juliette. Ils ont marqué l'imaginaire de l'amour et ont aussi changé littéralement, donc dans certains cas, imposé des nouveaux standards amoureux pour les couples donc, dans toute l'histoire. Mais l'histoire que nous verrons aujourd'hui, ça ne fait pas partie de ces belles histoires d'amour-là qui nous font rêver, mais plutôt de ces couples pourris qui ne peuvent que s'anéantir finalement constamment d'un amour toxique et troublant. Ce genre d'amour-là mène trop souvent à un destin tragique et inévitable. La triste histoire d'amour que nous allons voir aujourd'hui est une des plus troublantes de l'histoire du rock'n'roll. Cette histoire, c'est celle de Sid et Nancy. Est-ce que vous connaissez Sid et Nancy? Non, pas moi. Non plus. Donc, premièrement, c'est composé de Sid Vicious, de son vrai nom Simon John Ritchie, qui est né d'un homme, d'une mère hippie et d'un père gardien au Buckingham Palace. Hein, déjà, gros contraste entre les parents. Et il a été élevé par sa mère dès sa naissance, puisque son père est parti, est sorti du tableau. Et il a grandi dans une atmosphère, ce jeune Sid, rempli de drogue et de fêtes largement arrosées. Il commence les expérimentations avec la drogue avec sa mère vers l'âge de 13 ans et commet ses premiers délits à l'âge de 14 ans. Il rencontre John Lydon, connu sous le nom de Johnny Rotten, pour ceux qui comprennent la référence, qui lui donne le nom de Sid Vicious quelques temps plus tard. Il devient bassiste de la formation des Sex Pistols en février 1977. Donc, les Sex Pistols, qui est un groupe quand même légendaire au niveau du punk. Et il fait la rencontre de Nancy Spungen quelques temps plus tard. Donc, il tombe littéralement amoureux de cette belle américaine rebelle à souhait et qui a la même soif des drogues que lui. Et donc, dans les débuts de leur relation, Nancy semble exercer une emprise sur Sid qui lui obéit au doigt et à l'œil. En plus de cette véritable tendance, dépendance, dis-je, envers sa copine, n'écoute plus. Parce que j'ai plein de carrés dans mon texte, ça va pas bien, ça a été mal. Les accents, les accents tout disparus. Donc, il écoute plus les membres du groupe des Sex Pistols et s'enfonce de plus en plus dans une lourde consommation de drogue qui sabote l'ambiance au sein des Sex Pistols. Le groupe qui était déjà dans l'anarchie la plus totale ne peut pas vraiment survivre à cette perte de contrôle de cet enfant terrible et instable qui est devenu Sid Vicious. Donc, en janvier 1978, après une tournée turbulente aux États-Unis, Johnny Rotten annonce que le groupe n'existe plus et Sid Vicious se retrouve maintenant seul avec Nancy qui devient à la fois sa gérante le jour même et qui désire lancer la carrière solo de l'artiste. À la fois sa gérante et sa copine et la personne qui contrôlait sa vie. Donc. Et eux ont décidé de rester aux États-Unis. Elle faisait ses lunchs aussi. Ouais. Elle faisait ses lunchs, mais en tout cas, connaissant leur régime de drogue, ils ne devaient pas manger tant que ça, sérieusement. Les deux étaient gros comme des pics, là, ouais. Mais avant de continuer, je pense qu'on va présenter tout de suite la pièce des Sex Pistols qui s'appelle Anarchy in the UK, qui est leur plus grand succès ever. Ça se retrouve dans les 500 meilleures pièces des Rolling Stones. Donc voici la pièce Anarchy in the UK des Sex Pistols. Vous écoutez la chronique Paul is Dead de Simon Fitzbé dans le cadre d'Assemblage Requis avec Iwan et Mathieu. Wow! C'était la pièce Anarchy in the UK, les Sex Pistols, qui se retrouve sur l'album Nevermind the Bollocks, Ear de Sex Pistols, mais vous pouvez aussi la retrouver sur la trame sonore de Guitar Hero 3, Legend of Rock. Ouais. C'est là que les groupes se font reconnaître maintenant. C'est par leur présence dans un jeu vidéo. Mais tu sais, c'est plate parce que ce groupe-là, au départ, il était contre l'establishment qui envoyait promener tout le monde. Il voulait rien savoir de ces choses-là. Même signer pour une compagnie, eux, c'était vraiment... Parce qu'ils aimaient bien Richard Branson, parce que sinon, ils voulaient rien savoir de ça. Et là, ils se retrouvent sur Guitar Hero. Puis ils ont même réenregistré la pièce. C'est pas comme s'ils avaient dit « Ah, OK, prenez vieux tape. » Ils ont réenregistré la tune maintenant. C'est un peu dommage, mais bon, ouais. On n'est pas là pour parler de ça. On parle plutôt de l'amour toxique de Sid et Nancy, ou plutôt Sid et Nancy, dans le cadre de la chronique Paul is Dead. En espagnol, c'est Sid y Nancy. Eh oui, je ne parle pas espagnol, malheureusement. Je commence à parler allemand, par contre. Là, mais ça serait quoi, Sid und Nancy? Exactement. Bon. Donc, et voilà, je parlais de la carrière de Sid Vicious avec les Sex Pistols qui malheureusement, ils se sont un peu autodétruits à la suite donc des mauvais agissements de Sid qui était contrôlé un peu par sa copine Nancy. Il prenait beaucoup de drogue et tout, et les Sex Pistols, qui étaient déjà très, très turbulents, se sont malheureusement séparés donc en janvier 1978 à la suite donc de violentes chicanes. Et Sid Vicious, qui était déjà un drôle de personnage. Eux ont décidé de rester aux États-Unis puisque le groupe terminait leur tournée américaine et aussi puisque Nancy Spungen est aussi américaine. Donc ils ont décidé d'aller s'installer à New York, tout d'abord chez la mère de Nancy, mais se sont fait rapidement mettre à la porte à cause de leur consommation de drogue et leurs attitudes très très rebelles. Et donc ils s'installent au fameux Chelsea Hotel où ils s'entendent. Où ils s'entendent, oui, avec des bars pour une série de concerts ainsi qu'un contrat d'album. Mais malheureusement, la consommation non négligeable des deux amoureux sabote les performances de Vicious ainsi que il manque les. Faut imaginer le mot, attention. Ouais, c'est ça, exactement. Dis-moi toutes les lettres que tu as, celles que t'as pas. R carré U T A T I O N S. Ainsi qu'à sa réputation. Réputation! Voilà! Ben oui! Hey. C'est évident. Et à ce moment-là, donc, le couple passait le plus grand de leur temps au lit à consommer en ne laissant que leur dealer entrer afin de les soutenir en drogue. Donc, en drogue, mangeaient très peu, ils prenaient de la drogue. Mm-hmm. Et donc, le matin du 12 octobre 1972, Sid Vicious se réveille dans son lit au lendemain d'une nuit de consommation d'un mélange d'héroïne et de méthadone. Il est couvert de sang et il se rend jusqu'à la salle de bain où il découvre le corps sans vie de Nancy Spungen. La misère à prononcer son nom. Nancy. Ouais, Nancy, donc, qui est couverte de sang et qui n'est marquée que d'un seul coup de couteau à l'abdomen. Donc, il l'a fait saigner à mort. Le coup venait d'un couteau de collection ayant déjà appartenu à Dee Dee Ramone, un des membres du très grand groupe de Ramones, que Sid Vicious avait acheté quelques jours auparavant. Personne ne sait ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Si on se fie à la version de Vicious, le couple se chicanait le soir du 11 octobre et Sid aurait voulu avouer avoir poignardé sa fiancée parce qu'elle était très possessive et méchante envers lui. Par contre, cette version, quoique officielle, reste quand même nébuleuse. La condition de Sid était telle qu'il n'aurait pas pu commettre vraiment de crime ce soir-là, puisqu'il était quand même assez atteint par sa consommation de drogue, et ça aurait pu être donc un mauvais trip. Il aurait pu le faire inconsciemment, mais il n'y a rien qui est sûr. Et il y a d'autres plaidoyers qui disent qu'un règlement de compte aurait eu lieu lors d'un deal de drogue et que Vicious serait innocent. Donc, ça aurait été un dealer qui aurait attaqué Nancy. Elle, qui était quand même reconnue pour avoir une sale gueule. Là, vraiment, elle n'avait pas peur de se battre et d'engueuler les gens. Donc, probablement que c'était un genre de règlement de compte de ce genre-là. Il est quand même accusé de meurtre et sa caution est fixée à 50 000 $. Il a été libéré grâce à l'aide de Malcolm McLaren, qui était le gérant des Sex Pistols. On en avait parlé, c'était dans les pires gérants de l'histoire, oui. Mais au moins, il a osé donc donner 50 000. En fait, il a réussi à faire baisser à 25 000 $ la caution et il a payé pour que Sid sorte de prison. 10 jours plus tard, après être sorti de prison, donc le 22 octobre, Vicious tente de se suicider par lacération au poignet. Il est envoyé à l'hôpital où il se fait arrêter après une altercation avec Todd Smith, le frère de Patti Smith. Il est renvoyé en prison le 9 décembre 1978 pour en ressortir 55 jours plus tard, le 1er février 1979. Afin de fêter sa libération de prison, ses amis se réunissent dans un appart dans l'appartement de sa nouvelle copine Michelle Robinson qu'il avait rencontrée à l'hôpital. La chanceuse. Hein? Ouais, la chanceuse. Je sais pas dans quoi s'embarquer, ou je pense qu'elle savait pas dans quoi s'embarquer plutôt. Et malgré donc les réticences de celle-ci, sa copine, Vicious décide d'aller s'injecter un peu d'héroïne dans les veines, en bon drogué qu'il est. Et sa mère était avec lui donc dans la chambre. Il avait quitté la fête pour s'en aller s'isoler et prendre un peu d'héroïne. Et sa mère était avec lui et il n'avait pas pris de drogue depuis au-dessus de 50 jours et sa tolérance à l'héroïne avait donc baissé. Et c'est quand même assez difficile de dealer avec ça lorsqu'on a une consommation assez fréquente d'héroïne, que ça cesse pendant une longue période de temps, qu'on recommence à consommer le même niveau. C'est assez facile donc de perdre la carte. Et donc Sid Vicious est retrouvé mort le 2 février 1979. C'est sa copine qui avait passé la nuit avec lui qui l'a retrouvé sans vie dans son lit. Et la mort de Sid Vicious a longtemps causé des maux de tête aux fans et aux gens qui s'intéressaient à l'enquête, puisque ça ressemble à une overdose normale, mais plusieurs ont du mal à croire qu'il se serait suicidé à sa sortie de prison, bien qu'elle fût provisoire. Un témoignage vient jeter la lumière sur la mort de Sid Vicious en 2001. En effet, sur son lit de mort, sa mère Anne confie à un ami qu'elle aurait volontairement administré à son fils la dose d'héroïne, une dose d'héroïne tellement forte qu'elle aurait pu tuer deux personnes. C'est donc sa mère, par compassion pour son fils, qui allait probablement se retrouver derrière les barreaux jusqu'à la fin de ses jours pour le meurtre de Nancy, qui l'a tué. Donc, il s'est fait tuer par sa maman, par injection d'héroïne, elle qui était déjà héroïnomane à l'époque. C'est assez tragique. C'est assez tragique. C'est vraiment dommage, puisque, même si Sid Vicious n'était pas nécessairement un musicien incroyable, il a fait partie quand même d'un groupe très, très important, et l'image qu'il dégageait, c'était vraiment la rébellion. Ce gars-là, il s'écrivait sur le corps avec un couteau. Il y avait tout le temps... Nancy l'avait d'ailleurs... Elle lui avait donné en cadeau une chaîne avec un cadenas donc pour signifier son amour envers lui. C'est devenu une icône, en fait, cette chaîne-là, dans le monde du punk. Et il s'habillait en cuir. Vraiment, c'était l'image parfaite du punk. Il avait les cheveux en pointe. C'était l'image qui a été reproduite par la suite dans les années 80. Et c'est un peu dommage parce qu'il aurait pu quand même avoir un très, très bon potentiel devant lui. Et pour ceux qui seraient intéressés à connaître un peu mieux l'histoire de Sid et Nancy, je vous propose le film du même nom qui est paru en 1986, qui a été réalisé par Alex Cox. Et donc, on a Gary Oldman qui joue là-dedans, et Chloé Webb, donc Gary Oldman qui fait Sid Vicious, Chloé Webb qui fait Nancy Spungen. Oui, son Spungen. Nom Spungen. Quelque chose comme du genre. Et pour ceux qui seraient intéressés, donc il y a aussi Courtney Love qui a un rôle là-dedans. Parlant de drogué, là. Oui, parlant de drogué. Et elle avait auditionné pour le rôle de Nancy. Et dans elle n'était pas assez droguée pour l'avoir. Elle n'était pas encore assez droguée, mais ce qui est bizarre, c'est que Courtney Love, dans un sens, c'est devenu un peu un émule où la fille spirituelle de Nancy avec Kurt Cobain, il est un peu arrivé les mêmes choses. Elle le contrôlait totalement. Et voilà. Mais ça, c'est une autre histoire qui aura probablement lieu la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas trop vendre mes punchs. Mais voilà, donc Courtney Love qui en quelque sorte, ressemble pas mal à cette fameuse Nancy. Bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin, c'est vrai, j'aurais pu parler de ça à Saint-Valentin. Colin. Tu fais un mois au complet, ça revient pas mal au même. Hein? Ouais, mais je fais un mois, ça a mort, pas sur les couples. Ben justement, c'est comme l'anti-Saint-Valentin. Ouais, mais la semaine prochaine, on est quelle date? Tu me demandes ça live demain? Là, on est le 3. Ouais, on est le prochain, on va être le 10. Le 10, la Saint-Valentin, c'est la semaine d'après. C'est le 14, c'est un dimanche. Ah, ben d'abord, je ferai une chronique par rapport à Saint-Valentin la semaine prochaine aussi. Je vais parler d'un autre couple. Ben. J'aime ça. Ouais. Merci, Simon. Ben, merci à vous autres de m'avoir encore accueilli cette semaine. C'est un plaisir. Ben, c'est moi que ça fait plaisir. On va plugger tes affaires pour plaisir un peu. Pourquoi pas? Suivez Simon Fitzbé du lundi au jeudi entre 7h et 9h pour l'émission du matin. C'est assez fou. Ensuite, il y a Krautrock les lundis à 18h. Oui. Il y a les carréos dates le jeudi dans l'émission de Danny. Donc oui. Demain dans à le Zinecon. Voilà. Et puis, il nous reste l'album classique les vendredis matin à 10h. Effectivement. J'essaie d'y aller en ordre chronologique. C'est plus simple qu'en ordre d'importance. Je vais déménager dans le sous-sol de C'est fou la semaine prochaine. Oui, ben construis-nous ça d'ici la semaine prochaine. Il y en a déjà un, t'as été retenu en otage l'année passée. Ah, c'est vrai, excuse-moi. Ben oui, sous-sol de C'est fou. Ben oui. Avec la piscine aussi, parce qu'on a déjà fait une joke sur les piscines. Qu'on avait une piscine de C'est fou, qu'on pouvait se tremper pied dedans. Qu'est-ce qu'on a inventé d'autre aussi qu'on là, a. Il faut rester à date, c'est la mythologie, les gars. Il faudrait s'écrire une petite bible des traditions et des choses qu'on a dit. Ouais, la mythologie de C'est fou.